elle les fait danser. Donc je le traduis en français. Yeah. Organisé comme Oasis. Elle va percer si je la fiance. Madrid, Paris, London. Je vais leur faire une 4-4-2. Franzosen, Berlin, Allemande. Ribéry, Kaiser, Rabadab. Tuer dans le noir. Hayati, je chante Hayati. Millionnaire qui sort de la city. Hayati, Hayati. Millionnaire, donc je vais dans tes suites. Hayati, je chante Hayati. Millionnaire qui sort de la city. Hayati, Hayati. Millionnaire, donc je vais dans tes suites. Je cours un autre plein de plein de baies. En tant que t'es bien chaud, nous oublions ma paix. In einer dicken AMG hab ich vor der Tür stehen, fängt 22 Cent. Dein Rap wurde vom Mero durchgenommen. Dein Rap, ihr kriegt genau das, was ihr wollt. Tut mir leid wegen dem Hype und dem Erfolg. Mache Lage, weil sie sehen. Wir sind international im Game. Francier bis Germany. Business Case, Sammy Red, Red Dead und Dragon Burberry. Kip Hennessy am Block. Platz ist die Molotovs. Schmeißen auf jeden Kopf. Straße, my motherfucker.